Tout de suite, sur France Culture, du lundi au vendredi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En canoë ou seul au boulot, dans une chaise longue en randonnée, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, 53 minutes de nouvelles écoutes choisies dans la série documentaire. Cette semaine, sommes-nous libres de nos habits ? Une série d'Emmanuel Paul réalisée par Christine Robert. Au départ de cette série, il y a le plaisir des fripes pour trouver des bleus de travail ou la veste noire increvable, chic et patinée des charpentiers. Nous reviennent aussi les tenues de bureau des parents, avec ou sans cravate, tendance velours, avec ou sans épaulettes, tendance fuchsia. Et puis il y a les képis, les toques et les blouses qui disent la hiérarchie, la fonction et qui parfois stigmatisent. Alors pour commencer, les personnages. Une sociologue du vêtement de travail, une femme en blouse blanche, un couple de cravatiers, un historien de l'enfance relégué et un autre de la fripe. Ensuite, le décor, une boutique de vêtements de travail, un atelier, des couloirs d'hôpitaux, des cuisines de collectivité, des maisons de correction, des usines et des jardins ouvriers. Aujourd'hui, quatrième épisode, on cherche une veste. Bonjour. On peut vous poser une question ? On se demandait le vêtement qui est dans la vitrine, qui ressemble un peu à une robe blanche avec un pli devant, on ne savait pas reconnaître. Sommes-nous libres de nos habits ? Celle-ci. Emmanuel Paul, Christine Robert. Alors ça, c'est une veste de cuisine. Uniforme et vêtements de travail. Vous avez ça en 44 ? Ouais. Je vais regarder. Là, c'est juste antidérapant, hein. Il n'y a pas de coque. Non, mais je ne veux pas de coque, hein, surtout pas. Parce que j'ai des ongles incarnés et tout ça, donc il ne faut pas de coque. Hein. Sans indiscrétion, vous êtes dans quel corps de métier ? Dans la restauration, cuisinier. Ouais. Les pieds en cuisine, c'est important. Mais ça, c'est plutôt mode, presque. Ah non, non, non. Bah, ça ressemble à de la basket. Bah oui, ouais. Mais pour aller en salle voir mes clients, c'est mieux d'avoir quand même des chaussures un peu élégantes que d'avoir des choses comme ça. Du gros sabot. Voilà, hein. Et j'ai entendu que vous aviez envie d'avoir une chemise à manches courtes. Oui. C'est la chaleur ou c'est, ou ah c'est ouais, par... Non, on est mieux, on est plus à l'aise. Elle est composée de quoi, votre tenue, alors ? 100%, je sais pas, c'est que du coton. Coton. Hein ? C'est vraiment des vestes. Bah, c'est la mieux, hein, c'est le coton d'Égypte. Vous la touchez, voilà, dans tous les sens. Pour voir la souplesse. Parce que si je mets des vestes ordinaires directement la peau, je peux pas, je supporte pas. Que les grands chefs, je peux les supporter. Ça gratte ? Ah oui, ça mérite le... Je prends des échauffements, ça mérite la peau, c'est... Asseyez-vous. Combien de paires par an vous achetez ? À peu près deux. Vous voulez un chauffe-pied, monsieur ? Ouais, je veux bien. Et les chemises ? Vous avez un change de deux chemises, de trois chemises ? Oh, j'en ai... Je sais pas, j'en ai deux, quatre, six, huit... C'est solide quand même. Oui. C'est trop petit. Alors c'est intéressant ce que dit Monsieur Manchecourte, parce que lorsque j'interviewais des professionnels, ils me disaient très souvent qu'ils réclamaient de la manche courte quand il fait très chaud, soit dans le milieu hospitalier, soit dans le milieu de l'hôtellerie justement, et que la réponse est toujours non, pas de manche courte. Parce que ça manque d'élégance. Donc on accepte qu'ils aient les manches longues et qu'ils retroussent, mais pas qu'on ait la manche courte. Ginette Francequin, pour le livre que vous avez fait des centaines d'entretiens avec différents corps de métier. Et qu'est-ce qui revenait le plus souvent ? C'était le sentiment, la fierté d'appartenance à un groupe. C'était ça qui revenait c'est le plus toujours souvent. Toujours la fierté, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que les professionnels, dès que vous les interviewez, alors qu'ils se plaignent souvent, hein, les conditions de travail, du salaire, tout le monde est furieux, et c'est normal. Mais quand tout d'un coup vous leur demandez de parler de leur métier et de leur posture dans le métier, il y a une fierté, qu'on soit syndicaliste ou pas, et personne n'a eu honte de parler de son plan de travail. Que ce soit dans le milieu rural ou dans le milieu urbain, Par exemple, tout à l'heure, on regardait une blouse, là. Les gens me disaient, vous voyez, ça, c'est fait à la main. Le bouton, c'est pas industriel. C'est la qualité. Donc c'est pas n'importe quoi. Il y a une reconnaissance de la valeur travail à travers le vêtement que l'on porte. Tout et donc fait. De soi-même. Et aussi la manière dont l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande entreprise, nettoie le vêtement. Parce que pendant toute une période, il y a eu le vêtement qui était nettoyé à la maison, ramené par le salarié chez lui, lavé par son épouse dans la machine à laver collective. Et quelquefois, bon, des fois la femme n'était pas d'accord en plus. Bon, le mari n'est pas lavé. Et puis, si jamais il y avait une coloration qui ressortait, on ne sait jamais, avec un autre, une pièce, un vêtement un peu rosé, etc., c'était toujours des histoires. Donc, il y a une revendication qui était faite, que ce soit les entreprises qui nettoient les vêtements. Et là, c'est très important d'avoir toujours deux vêtements. Ça veut dire qu'il y a une dotation qui est faite et c'était l'objet d'une revendication des salariés très importante, avec des acquis. En commençant ce travail-là, je ne pensais pas qu'il y avait derrière des combats ouvriers. Et j'avais eu le sentiment que je m'amusais un peu, quoi. C'était comme une histoire de mode. Et pas du tout. On se rend compte que le travail apparaît une seconde peau. Je vais vous la montrer juste ici. Déjà, quand on dit le fait d'avoir obtenu son dimanche, avoir bataillé pour obtenir son dimanche. Donc, on obtient d'abord le dimanche, donc on obtient le droit de ne pas travailler le dimanche, mais on obtient aussi le droit de porter un vêtement différent le dimanche. C'est ça. Donc, se distinguer. Il y a la fierté de la semaine et la fierté aussi de l'habit du dimanche, où là, on s'habille comme le patron. Les usures du vêtement en plus, évidemment. En plus. Alors, il y a quand même tout un jeu dans les milieux ouvriers, où on peut garder son bleu de travail quand il est usé, on peut le garder chez soi. Et donc on va faire son jardin en bleu. Mais on met pas tout, on met que le pantalon ou que la veste. On va pas mettre l'ensemble parce que l'ensemble c'est vraiment le travail. Et quand on est dans le jardin, ça prend un autre usage. Et ça c'est les gens qui m'ont raconté. C'est amusant quoi. Ça, c'est le basique. Enfin, la grand chef, c'est le basique. La veste, elle a presque 100 ans. Quoi. Ce modèle-là, avec la veste grand chef. Oui, donc ça, c'est ce qui a pris le monsieur tout à l'heure. Donc, c'est du coton égyptien. Donc ça, c'est des vestes qui durent des années et des années. C'est des qualités, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Donc, c'est là où on a les petits boutons les qui petits sont... Les petits bamboules faits main. Donc, tout est en tissu d'Égypte, coton d'Égypte. Donc c'est tout léger. Je ne sais pas si vous avez touché. C'est tout fin en fait. Mais pourtant, ça reste du coton. Et ça s'entretient comment ? À la machine. À la machine. Ouais. On peut aller jusqu'à 90 degrés. Pas besoin de repassage ou si, si un petit peu. Ouais. Si, c'est du coton. Mais ça reste de la veste de présentation. Ça soit pour le Bocuse d'Or, pour les gros événements. La Grand Chef, elle est connue dans le monde entier en fait. C'est les étrangers quand ils viennent à Paris faire leurs courses. La première chose, c'est je veux acheter une grand chef, en fait. C'est ça. C'est, tout le monde connaît Bragard grâce à la grand chef. C'est un modèle historique. Exactement. Donc ça, c'est quoi ? C'est meilleur ouvrier de France. Exactement. Avec le col bleu, blanc, oui. Rouge. Donc ça, on l'a vend qu'avec un diplôme. Si vous venez sans diplôme et vous dites je suis meilleur ouvrier de France, bah non. C'est non, il faut vraiment le diplôme. Donc ça, c'est une veste grand chef, tout mais personnalisée, puisque le col est meilleur ouvrier de France, c'est exactement. Ça exactement. Et plus le nom en général, brodé. Ils mettent prénom, nom, et là, c'était le Bocuse 1991. Donc après, il y a le petit logo en plus qu'on peut rajouter, MOF, meilleur ouvrier de France, ou MAF, meilleur apprenti de France. Ouais. Ben, si vous me trouvez quelque chose dans ce genre-là en 45. Ah si, je l'ai. Mais sinon, je refuse la commande et on me plante les vestes. Hein. Est-ce que celui-là, il y a pour homme la plus petite taille, c'est laquelle ? La plus petite taille, ça va être celle-ci. Du c'est coup. Celle-ci ? Ouais. Celui-ci, non, c'est pas la plus petite. Parce que ça, c'est 90, mais c'est parce que c'est en. Ah oui, c'est aéré, mais pourtant, c'est du synthétique. En fait, la matière, c'est du nid d'abeille. Ouais. Donc, c'est vraiment plus léger que du polyester coton, par exemple. Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche une veste à manches courtes de cuisine. Et donc, qu'est-ce que vous aimez comme genre de modèle? Bah là, avec la chaleur qu'il fait en cuisine, ça peut être léger et à manches courtes. C'est voilà, c'est bien. Et on est obligé de prendre une, quand on est en cuisine, on est obligé de prendre une veste de cuisine. Parce que c'est inifugé, ça prend pas feu. Vous changez où quand vous arrivez au restaurant? On a les toilettes. On n'a pas les vestiaires, il n'y en a pas dans beaucoup de restaurants, quoi. C'est pas partout. Et vous la gardez combien d'heures par jour, alors, votre veste? Une journée, quand j'ai pas eu le temps de la laver, sinon un service, quoi. Et en bas de votre veste de travail, c'est... Ah bah, c'est le pantalon de travail aussi, élastique, c'est tout. Et des chaussures de sécurité. Vous dites ça d'un air un petit peu désespéré, ça vous énerve, non, ce vêtement? Non, mais c'est juste que parfois j'aimerais bien avoir le temps de m'habiller un peu mieux, et voilà, mais je m'habille pour 2 heures dans une journée à peine. Je mets mes vêtements pour aller au travail, je me change. Voilà. Mais non, mais avoir des beaux vêtements de cuisine, c'est cool, mais après c'est vrai que c'est quand même cher. Enfin, et moi d'un côté, ça me branche pas de mettre de l'argent dans un vêtement de travail, quoi. Ou de toute façon, je suis pas là pour être jolie, je fais mon taf. Et... À l'extérieur du taf, oui. C'est vous qui l'achetez, c'est pas votre patron non, ou patronne. Non, c'est vrai. Non. Peut-être que si c'était lui qui me l'achetait, par contre, je serais contente d'avoir un bel habit, mais là, je mets pas beaucoup le prix. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. Et vous, pour vos apprentis, vous leur payez la tenue ou c'est eux? Je n'ai pas d'apprenti. Ah, vous êtes tout seul? Non, j'ai des employés. Des employés? Je n'ai pas d'apprenti. C'est vous qui payez leur tenue ou Ah c'est... non, non. Ah, donc chacun paye sa tenue? Ah. Chacun la lave? Madame, c'est Brigard qui vous habille, vous? Je vous pose une question. Non. Non? Eh bien, moi non plus. Non, mais ça dépend. Hein. Non, non. Grosses sociétés, les gros restaurants, les groupes Accor ou tout ça, ok. Eux, ils sont habillés parce qu'ils veulent que tout le monde soit... une uniformité, mais des petits restaurants, ils n'ont pas les moyens de fournir à tout le monde. C'est bon, 45, c'est parti. 45, c'est parfait. Merci. Ça, c'est les petites. Au revoir. Oui, au revoir. Il va falloir que tu ressortes, troisième allée à droite. Par contre, reste pas au milieu, là tu gênes grave. Merci. Bah, la blouse... une blouse classique hein, qui arrive au-dessus du genou, qui est très, très classique, avec des poches, puisque l'idée c'est de mettre plein de choses dans les poches, des carnets, des papiers, le stéthoscope, tout ça. Et puis la tenue de soignante, où là c'est plus, oui, le pyjama avec un pantalon, souvent c'est pas la bonne taille, donc on serre avec une ficelle, on fait ce qu'on peut. Et puis ce haut un peu, une sorte de tunique qui arrive un petit peu au-dessus des hanches, en tissu très fin, là vraiment assez informe. Quelle matière? Vous avez une idée de la matière? Est-ce que c'est 100% coton? Alors, je crois qu'il y en avait, les anciens, qui pouvaient être 100% coton. Les plus récents, non, ça devait être du polyester ou quelque chose comme ça. Pour ceux qui en portent, ne trouvent pas ça très agréable, surtout quand il fait chaud et qu'on est amené à transpirer. Ça gratte souvent, donc j'ai vu pas mal de personnes avec des t-shirts dessous. Ce qui, pour le coup, n'est pas du tout hygiénique, puisque l'idée, c'est qu'on n'amène pas de civil. Souvent, on n'amène pas de tenue civile au bloc opératoire ou dans les services de réanimation, où là, c'est vraiment stérile. Bonjour, je peux avoir une blouse, s'il vous plaît? Taille 2, 3. De taille 2, oui. J'ai plus que du 4. Ah. Voilà, c'est parfait. Pardon, vous n'en avez pas une sans tâche? C'est pas des tâches, ça a été lavé, c'est des tâches propres. Bien, alors, le service en deux mots, c'est quoi? C'est beaucoup de personnes âgées en fin de vie, je ne te le cache pas, donc beaucoup d'accompagnement. Donc je m'appelle Hortense Negro, j'ai 34 ans et je suis psychiatre. Entre mes études et aujourd'hui, j'ai porté différents vêtements de travail. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, travaillant dans un centre de consultation, je n'en porte plus. Pendant les études de médecine, j'ai pu porter les blouses d'externe, les pyjamas de bloc. Quand on est de petits gabarits, il n'y a jamais les tailles qui correspondent, mais avec le pantalon 10 fois trop grand, le haut de pyjama, enfin qui recouvre tout ça, donc on dit c'est pas grave, et les blouses qui sont souvent trop grandes, avec les manches qui pendent. Et... On se sent pas très bien dans un vêtement qui est trop grand. En tout cas, on n'est pas trop serré, donc ça c'est important, mais c'est vrai que ça fait un peu difforme, mais je pense que toutes les tenues à l'hôpital sont un petit peu comme ça, informe, peut-être plus que difforme. Et c'est quelle couleur? Il y a plusieurs types de couleurs, ça c'est en fonction des hôpitaux ou c'est en fonction des services? Un petit peu les deux, les blouses sont toujours blanches, les pyjamas sont plutôt dans les bleu ciel ou vert pâle. Toujours des couleurs très pâles, comme à l'hôpital, et qui sont ce qu'on appelle des pyjamas, mais en fait, c'est de tenues de bloc ou d'obstétrique, des tenues donc individuelles et qu'on met au salle après, dans les jours qui viennent. C'est jamais changé le jour même, mais passer plusieurs jours avec la même tenue. Bon, c'est pas du tout ce qu'on imagine dans l'univers de l'hôpital. On imagine au contraire qu'on arrive le matin, on prend sa tenue toute propre à la blanchisserie, on la restitue le soir. Et c'est pas comme à la télé, donc c'est pas comme dans Grey's Anatomy, hein. C'est on a un lot de tenues, que ce soit des blouses, des pyjamas et 5 par exemple quand on arrive dans le service, et donc on tourne avec et donc il faut pas tout mettre au sale en même temps, donc en général ça nous tient plusieurs jours. Alors c'est vrai que selon le travail, selon l'activité, ça peut se salir plus ou moins vite, mais on les met pas au sale le soir et le lendemain matin on s'habille en propre. Mais ils vous appartiennent, il y a votre nom dessus? C'est variable, encore une fois, selon les hôpitaux, les services. J'ai eu des services où mon nom était inscrit dessus, mais on voyait bien qu'il y avait plusieurs noms inscrits dessous, hein, avec des étiquettes déjà. Des fois, il y a des habits neufs, des blouses neuves. Bon, ça, c'est un luxe. Mais souvent, c'est des blouses ou des tenues qui ont appartenu à d'autres personnes. Et voilà, taille 2. Merci. Moi. C'est bon? C'est nickel. Merci, au revoir. Bonne journée. T'étais où, toi, avant? J'étais en médecine interne à Raymond Poincaré. Bon, ça va te changer ici, c'est de la neurologie, mais tu verras, le service est super sympa. Bon, on a une ponction lombaire à faire. Ouais. Ça va, t'en as déjà fait? Oh oui, aucun problème. Bon, super. Écoute, je te rejoins, c'est au fond du couloir à droite, c'est la chambre 128. J'arrive. Ok, à tout de suite. À tout de suite. You are a hero, you are off the hook. I read you like a poem or a holy book. You're the kind of girl who jump out of a window. Tell me something I don't know. You call me at home and at the restaurant. When you feel alone and whenever you want. When I go to the movies and when I'm watching the show. Yo, tell me something I don't know. Tell me something, tell me something I don't know. Pascal? Pascal? Tu descends? Tu peux descendre? Mon mari est cravatier depuis le plus jeune âge, puisque c'est une tradition familiale qui date d'entre les deux guerres. Soit on fabrique de la cravate à nouer traditionnellement, comme vous connaissez. Et ensuite, on a plus de 50% de notre marché. Bonjour, monsieur. Plus de 50% de notre marché qui est la cravate sécurité. Et vous n'en avez même pas une? Non. Pascal Buisson, le grand fabricant de cravates de père en fils ou de mère en fille ou de grand-père en grand-père. C'est les cravatiers les plus mal cravatés. Et il n'y a plus que 3 ou 4 entreprises en France qui font ça. Tout est fait en Chine ou Portugal, les pays plus les pays de l'Est. Les pays de l'Est, voilà. Donc on est quand même fiers de faire partie des derniers fabricants de cravates en France. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que on est chez vous, en fait, on est dans votre garage. Porte ouverte sur le jardin. Exactement, on travaille chez nous depuis une vingtaine d'années. Cette série-là, c'est une série de cravates pour la police nationale. On met dans le grand pan la griffe de la avec la Marianne. C'est une cravate marine, marine foncée. La police nationale, ils ont un code couleur ? C'est nous qui faisons faire le tissu, mais c'est très pointilleux. Il a fallu faire le tester, il y a plein de choses à faire. Et c'est un tissu qui est homologué par les services de la police nationale. Tout, la taille, le petit pan, tout doit être respecté. Il y a très peu de tolérance, en fait. Il y a d'autres corps d'État qui mettent encore des cravates ? Bon, je pense que pas mal d'administrations... bon, nous, on a perdu des marchés d'État, mais pendant un temps, on a longtemps fait... Pendant plus de 10 ans, on a eu la mairie de Paris. On a eu le Sénat, la préfecture de police de Paris. Après, il y a tous les pompiers qui font toujours des cravates noires, donc on en fait toujours pour certains de nos revendeurs, la cravate noire traditionnelle, pour leur tenue de sortie. Les polices municipales, qui ont des cravates à clip marine. Mais c'est vrai aussi que dans la police, ils portent beaucoup le polo maintenant, donc plus de cravate. Non, la cravate maintenant, c'est surtout pour les tenues de cérémonie. C'est plus pour les tenues sur le terrain. Là, j'ai fini d'assembler les trois morceaux. Je vais découper tous les petits fils qui les relient entre elles. La façon dont on travaille, ça n'existe pratiquement plus. Ce sont des robots qui fabriquent les cravates. Je mets la doublure à l'endroit. Pour faire une cravate manuellement, mais je mets de A à Z, je vais mettre 4 minutes. Vos plus grandes ventes, c'est pour les métiers de bouche. Oui. Oui, tout ce qui est cuisine, boucherie. Et vous fournissez aussi les cravates. On fait les cravates aussi, tous les accessoires. On a toujours un pantalon à carreaux de boucher ou Ça existe toujours, pied de poule, ouais, bien oui, sûr. Pied de poule. Bon, après maintenant, en général, ils veulent être un peu plus modernes. Et ce tablier qui a une forme. Le Parisien, ouais. Les cuisiniers, eux, c'est des bavettes standards, donc ça leur couvre le torse. Eux, non, c'est vraiment une bande, une seule bretelle. C'est vraiment pour les bouchers. Donc ils mettaient un comme ça, enfin c'était, je pense, pour porter de la viande ou quand ils allaient dans les frigos pour pas se salir. C'est très codifié. Donc voilà, après vous avez bah, tout ce qui est veste. Ce monsieur potentiellement travaille dans une boucherie. Avec une chemise, une cravate, une veste... etc. Ouais. Il a une déclinaison d'un costume banquier, mais version... Version bouchée. Ouais, c'est ça. Sauf que les matières, elles sont vraiment agréables. C'est pas tout souple. Donc, ils sont bien dedans et c'est vrai que c'est très solide par rapport à une veste de cuisine avec le sang. Non, c'est mignon. Beige, c'est nouveau. Hein. Donc après, oui, ça fait... Ça fait peut-être moins bouché, mais au final, les matières, ça reste pareil, ça reste du jersey. Ginette Francequin, comment est-ce qu'il faut comprendre les frontières entre le vêtement de travail, l'uniforme et le costume ? Il y a la tenue, ça c'est commun, hein, la tenue, le sérieux, etc. Et puis après, il y a la fabrication. Par exemple, l'uniforme, vous avez des grands couturiers qui planchent sur des modèles et qui vont faire des propositions bon, dans les grands corps de l'État, militaires, gendarmes, policiers ou la SNCF, etc. Donc, tous les 4-5 ans, on revisite, si vous voulez, le vêtement. par exemple, la SNCF a changé là. C'est plus Christian Lacroix. Voilà, c'est plus Christian, voilà. Donc vous voyez que alors, il y a le couturier qui fait une proposition. Et puis, vous avez par ailleurs quelque chose qui vient de l'histoire. Si vous prenez les vêtements de justice, ça date quand même du XIIIe siècle. Hein. Après, on va décliner en fonction quand même peut-être de l'argent qu'on a. Si vous êtes une avocate débutante, bon, bah, vous n'allez pas prendre une robe en satin parce que c'est très cher, ou en soie. Vous la prendrez en coton ou en laine. La robe de l'avocat, par exemple, on voit là à la fois les classes sociales et l'argent du jeune débutant. Vous voyez comment il investit. Et puis, après, le vieil avocat, il va en rigoler, son truc. Il n'y a pas un investissement affectif très fort quand on a de l'ancienneté. Vous avez un modèle préféré, vous ? Moi, j'aime beaucoup celui-là. Je parle pas du mannequin, hein, mais... Ah non, mais... Moi non plus. Mais non, j'aime beaucoup les nouvelles Colmao. Puis les matières, elles sont incroyables. Oui, ça, c'est pour porter ce qu'on a parlé tout à l'heure, les carcasses de viande à Rungis. Donc c'est un manteau sur le dos, oui. Boutonnage caché sous patte, ouverture passe-main. Longueur 120 cm, treillis métis, 59% épais, ouais. Coton, 41% lin, couleur crème. C'est salissant pour la viande. La couleur ? Oui, non ? Ça a toujours été comme ça, après. Je pense que la matière, une fois lavée bien comme il faut, ça part. Hein. Et puis il y a toutes les casquettes, là. Ah oui, il y a toutes les casquettes de boucher, toutes les couleurs. Hein. Blanc, marron, taupe, c'est rouge, pour beige. Aller avec toutes les vestes qu'on propose. Si vous prenez une veste beige, autant avoir la casquette beige, sinon ça fait trop de coloris. Ouais, ils aiment bien se faire beau, hein. Faut faire, pour eux, c'est comme une mode, hein. C'est la mode. Tous les ans, on sort une collection. C'est la mode des bouchers, la mode des boulangers. C'est comme ça. Je suis né un beau soir. Savoir qui lui passe par la tête. Cabanel, voulez-vous me consigner la déposition de ce garçon? Vagabondage et vol. D'accord, patron. Allez, viens. Bon. Alors, qu'est-ce que vous décidez? De toute façon, dans l'immédiat, on ne peut pas le reprendre à la maison, il repartirait. Alors, je sais pas, moi, si vous pouviez le faire surveiller quelque part, à la campagne, par exemple. Et puis le faire travailler, parce qu'à l'école, il ne veut plus rien fiche. On peut essayer le centre d'observation. C'est bien organisé maintenant. Il y a des ateliers où on travaille le bois et le fer. Oui, c'est ça, ça lui fera du bien. À condition qu'il y ait de la place, bien entendu. Ici souffrit le pauvre Antoine Douanel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinotte tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil. Qu'est-ce que vous foutez? Allez, encore une paire d'œufs que ça saute. Qu'est-ce que vous, toi, là-bas? Allez, à l'avant. Marche. Truffaut est passé par cet établissement. De Savigny. Là où on est. Oui, là où on est. Voilà. Donc il connaît de l'intérieur cet établissement. Jean-Pierre Léo aussi d'ailleurs est passé par cet établissement. Pourquoi t'es tombé toi ? Oh, et toi ? Bon, moi j'ai glissé. Moi j'ai piqué une machine à écrire. Une machine à écrire ? Mais c'est pas intelligent, mon vieux. Et t'étais sûr de te faire poisser ? Elles sont toutes numérotées, les machines à écrire. Faire un rapide tour, si vous voulez. Là, c'est des images des colonies pénitentiaires, une colonie de Cadillac, donc c'est un établissement pour filles. Beaucoup de vêtements, vous voyez. sur ces images. À Savigny-sur-Orge, au centre Exposition Enfants en justice. Ça, c'est des images des années 30. Là, vous avez l'annexe de Saint-Hilaire qui s'appelle Chanteloup. Jean-Jacques Ivorel. Et qui était donc ce qu'on appelle un internat approprié. Historien. C'est-à-dire réservé aux enfants, garçons, de moins de 13 ans. Là, on voit bien que s'il y a des descriptions très précises, des vêtements, des uniformes que doivent porter les enfants, on voit bien sur cette image qu'en fait, on les a habillés de briques et de broc, quoi. Ils ont des vêtements de récupération et qu'on a fait les friperies ou autres magasins d'occasion. Et là encore, ils ont de la chance, ils ont des chaussures. C'est pas toujours le cas parce que très souvent d'ailleurs, vous voyez, sur ces jeunes filles, c'est un des sabots dont on dispose. Alors là, le sabot est remplacé par la galoche, c'est-à-dire par une sorte de chaussures assez ordinaires, après une réforme qui a eu lieu des ces établissements pour mineurs, une réforme qui a lieu en 1927. On a changé le nom des établissements. Les colonies pénitentiaires sont devenues des maisons d'éducation surveillées. Le changement de nom, ça coûte pas trop cher. Les surveillants se sont appelés moniteurs. Les jeunes se sont appelés pupilles au lieu de colons. On a remplacé les sabots par des galoches. Pour les surveillants, on a remplacé le képi par une casquette. Et pour le reste, rien n'a changé. Donc la seule chose, c'est qu'il n'y avait plus de sabots, il y avait des galoches. Mais malgré tout, comme il fallait bien épuiser les stocks, même si c'est une photo plutôt des années 30, on voit que on n'avait pas remplacé encore tous les sabots par les galoches, même si la circulaire le prévoyait. On peut continuer à se promener un peu pour regarder d'autres vêtements. Là, sur cette photo, Jean-Jacques Ivorel, on voit que toutes les jeunes filles sont habillées du même uniforme. Oui. Alors là, ça a été long hein, que les jeunes filles soient habillées du même uniforme parce que bon. Les établissements, ça c'est un établissement public, hein, mais la plupart des établissements étaient des établissements privés auxquels on payait un prix de journée. Et bien sûr, unifier les uniformes, enfin mettre un uniforme, ça avait un coût. Donc on préférait souvent cette méthode qui consistait donc à habiller avec ce qu'on avait, quoi. Hein, la friperie, quoi. Voilà. Donc le vêtement, il est laid. Vous voyez, ces jeunes filles sont pas vraiment à la mode. Hein, et ça va être longtemps maintenu. Dans les établissements pour jeunes filles, on les habillera vraiment avec ce qui se fait de plus laid, quoi, de plus moche, de vrai. Voilà, ça se voit merveilleusement sur toutes ces images. Donc le but du vêtement n'est pas d'être beau. Le but du vêtement est de marquer sa condition de relégué, de reclus. On imagine même d'ailleurs, quand on lit les trousseaux, par exemple, des jeunes filles, on y met un corset en treillis. Alors, si vous regardez dans le dictionnaire ce qu'est un treillis, ce qu'est le treillis à l'époque, aujourd'hui, ça évoque un autre costume, plus militaire. Mais quand on regarde le treillis, c'est d'abord un tissu. Et donc, c'est un tissu grossier qui sert essentiellement à faire des sacs. On n'est pas loin de la silice, vous savez, cette chemise en crin pour s'auto-punir dont les nonnes s'imposaient le port. Sauf que là, c'est pas un choix. Hein. Corset en treillis, grosse toile. Quand c'est les uniformes tels qu'ils ont été prévus, ce sont des uniformes extrêmement désagréables à porter. Quand c'est des haillons, ça a le côté désagréable du haillon, quoi. Donc non, il n'est pas question de se faire plaisir par son vêtement. Nous la rattraperons, la petite hirondelle, et nous lui donnerons trois petits coups de bâton. Non, notamment, on voit très bien que quand on regarde toutes les images de jeunes filles, on va effacer plus que toute coquetterie, j'allais dire toute féminité. Pour autant, vous dites qu'elles sont pas féminines, mais on ne les habille pas en hommes. Ah ben non, le pantalon est totalement proscrit. Voilà, alors là, vous avez un rassemblement à Saint-Hilaire, ça doit être un rassemblement du dimanche, parce que là, vous avez les uniformes du dimanche. Pareil, un rassemblement à Saint-Maurice, hein. À Saint-Maurice, c'est un établissement qui était à la mode Beuvron, où là, vous avez donc, vous voyez très bien, les uniformes de type militaire, avec la musique en tête. On part faire une promenade en rang par deux, ou pas cadencé. Ça, c'est vraiment l'uniforme du jour de fête. Moi, je viens de France, elle vient... Can I tell? Elle vient d'Amérique et elle vient de l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que tu peux décrire ton habit? C'est une chemise blanche, des pantalons noirs, un pantalon noir gris et une cravate. Une chemise blanche avec un écusson de l'école canadienne bilingue. C'est notre logo. En fait, c'est un pantalon un peu en laine. Ouais. Grise, ouais, comme un pantalon d'homme de costume. Bah oui. Alors qu'est-ce que tu portes toi? Je porte une robe. Tu peux la décrire? Quelle couleur? J'ai la couleur noire, rouge, gris et blanc. C'est écossais? Un peu, oui. Et tous les jours quand vous allez à l'école, vous avez ce vêtement? Oui. Vous êtes fière de porter votre uniforme? Oui, je suis fière de la porter. Universitaire, oui. Professeur. Pour autant, est-ce que vous avez une robe d'universitaire? Alors non, moi j'en ai pas, mais il y a des gens qui tiennent beaucoup. J'ai vu deux cérémonies dans ma carrière de copains qui sont devenus titulaires de chaire et qui avaient mis le vêtement. Et c'est vrai que bon, on peut en rigoler, mais en même temps, on ne rit pas vraiment parce que ça donne une solennité. C'est vrai que ça investit dans un ordre. Bon, moi, je suis très fière d'être au CNAM, je vous le dis, parce que c'est une grande maison, quoi. C'est qui vient de la Révolution française, avec l'abbé Grégoire, avec, je dirais, un personnage hors du commun, qui était contre l'esclavage. Et tout ça fait que, si vous voulez, quand on est au CNAM, c'est vrai que quand on a des collègues qui mettent le vêtement de titulaire de chaire, c'est impressionnant, quand même. Là, vous avez un poids de l'histoire, vous le ressentez. Voilà, tout à fait. Ouais. Dis donc, puisqu'on parle chiffon, il va falloir que tu t'habilles. Moi, j'ai rien contre. Justement, je connais un petit tailleur hongrois drôlement capable. Eh ben, si ça te fait rien, on laissera tomber ton artiste et on ira chez le mien. D'accord. Tu sais que t'es sapé comme un banquier. Enfin, moi, c'est comme ça que je les vois. Peut-être, mais pour toi, on fera la coupe fils de famille. Je te donnerai les faves de ton nouveau pédigré. Bon, alors allons-y, là, allons-y dans le beau, dans le vrai. Bon, alors on fait des prix aujourd'hui. Tiens, viens voir, fiston, là. Enlève-moi. Viens voir, tiens, viens voir. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu me vends? Regarde. T'as vu ta cam comme ça, déjà? Ouais. Un rocker, c'est pour toi. Avec ta bécane le dimanche, tu vas faire un malheur. Oh non, c'est trop cher. Essaye-le chez ta taille. Non, non, non. Qu'est-ce que tu risques? C'est le bon. Tiens, viens voir. J'achète pas, hein. Viens voir. J'achète pas. Mais je vends pas, moi, aujourd'hui, je fais des prix. 489 francs. Tais-toi, je vais te faire un prix, c'est ça. Ah là, il parle pas. Tiens, regarde-moi. Ah, c'est un peu petit, hein. Non, non, c'est petit, c'est petit. Non, non, non. Plus grand, donne plus grand, donne plus grand. Monsieur, vous achetez un Rockers. Qu'est-ce que vous portez à part ça avec ce Moi, je porte des jeans uniquement et des vestes en laine américaines uniquement. Et vous venez tout le temps, vous m'habillez au puce, oui, dans les friperies. Ah, ouais, oui. Ah, il est sévère celui-là. Ah oui, là, ça me va bien. Ah, celui-là, il vous va bien. Ah oui, je reconnais. Mais c'est le prix maintenant. Ah, ça, c'est le problème, c'est toujours le prix. Te casse pas la tête pour le prix, je te fais 350. Ça marche? Je peux pas, je peux pas. Mais tu peux pas, t'as une moto, une brique. Je peux pas, oui, d'accord, mais je paye des traites, je peux pas, 350 francs. Il est pas cher. 8 euros. Gap. Je rêve, quoi. Puis il est bien coupé, hein. Si c'était ma taille, bah, carrément, je prends, là. 36. Drapeau... C'est quoi, drapeau anglais? Non, les étoiles américaines. Les étoiles, quand même, hein. Ouais. Il y a des trucs trop bien, là. Là, c'est le seul moyen de ne pas avoir le même pantalon que les autres. C'est à la fois un lieu où on vient se fabriquer une identité sociale... Et pas seulement dans l'imitation. Vous avez vu celui-là? Manuel Charpie, historien spécialiste de la fripe. Oh, trop stylé, je vais essayer celui-là. Je pense que quand on vient dans une fripe, on vient jouer avec des signes, en détourner certains, d'autres simplement adhérer à des signes de classe, des signes de culturels. Je sais pas, là j'ai en face de moi une robe clairement orientale, une autre des années 80 dans une matière indéfinie. C'est toute une panoplie de signes et la fripe va plutôt, je pense, familiariser toute une population avec ce jeu de signes vestimentaires, cette manière de jouer de ses identités, de détourner des choses, d'en contredire d'autres. Les robes qu'on a devant nous, il y a des choses qui sont de l'ordre de l'icône de la femme des années 60 ou des années pop qui, il y a 10 ans, 15 ans, étaient inimaginables. Enfin, personne n'aurait jamais acheté ça. Et là, qui deviennent drôles, séduisantes. Voilà. Ça dit aussi d'ailleurs quelque chose sur le statut de la femme et la manière de jouer avec ses signes. Il y a un rejeu, effectivement, mais même sur le militaire. Il n'y a jamais eu autant de jeunes gens habillés en uniforme militaire. Ça correspond à la fois à toute la culture, à la contre-culture antimilitariste, enfin toute cette filiation-là. Mais on pourrait dire aussi que dans un sens, ça correspond au moment où les jeunes Français ont arrêté de faire l'expérience du service militaire. Enfin, donc c'est à chaque fois, il y a effectivement plusieurs couches qui se mêlent dans ces vêtements. Et c'est à chaque fois des jeux assez complexes de signes. Mais on pourrait presque prendre toutes les chaussures, tous les vêtements autour de nous. Ils rejouent quelque chose. Il y a une chose étrange, c'est que ça montre que on vide souvent de sens certains vêtements et on leur redonne de nouveaux sens et que la fripe est vraiment le lieu de ces transformations. Ce qui est très net, c'est que dès le début du 19e siècle, on a un peu deux grandes clientèles dans la fripe, deux types de clientèles. Une clientèle populaire qui vient s'habiller parce qu'elle a besoin de trouver des vêtements pas chers. Et je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a toujours, on va aux fripes à Montreuil, Vous avez toujours un marché de la fripe avec des chemises à 1 euro. Vous avez même dans Paris encore des chaînes de fripe très très peu chères. Et puis toute une population au 19e siècle, c'est plutôt les artistes, les étudiants qui vont vraiment jouer avec des signes et plutôt chercher à se singulariser dans la fripe. On a tout un tas de textes sur la bohème au milieu du 19e siècle qui va s'habiller chez des antiquaires ou des fripiers de luxe en gros et qui s'amuse à détourner des uniformes d'ancien régime, des kimonos anciens. Donc c'est un jeu de signes beaucoup plus libre et anti-bourgeois, en quelque sorte. Et c'est une tradition qui dure jusqu'à aujourd'hui. Une grande partie des fripes sont des fripes un peu de luxe, sont fréquentées par des étudiants en art. Et c'est pas d'ailleurs pour rien si au milieu du 19e siècle, il y a deux centres de la fripe à Paris. Il y a le Temple, donc cette clientèle plutôt de l'Est parisien, donc des quartiers ouvriers. Et puis la rue des Écoles, donc au milieu des universités, à côté de l'école de médecine, où vous avez une vingtaine de boutiques de fripes concentrées, c'est dans une toute petite rue. Donc là, vous avez vraiment les deux types de consommation de la fripe. Et là, on est rue Ménilmontant. Je me disais en arrivant que dans cette fripe nouvelle, que ça montre bah, le changement social du quartier. Il y avait jusqu'à peu de temps en face une fripe très très très peu chère qui s'appelait Momo le moins cher, qui a fermé, et cette fripe a ouvert où il y a des vêtements pas chers, mais aussi des vêtements de marque, des vêtements un peu originaux, un peu rares. Moi je viens pour une copine chercher une robe des années 60. Mmh. Mais je ne l'ai pas trouvée. Je vous jure, j'ai passé plus d'une heure ici. Il faut prendre pièce par pièce. Et là, on découvre le truc, le petit truc. Manuel Charpie, pour l'historien, est-ce que vous pouvez étudier l'histoire du vêtement à travers l'histoire de son usure ? Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment ça devient une valeur, le fait que les vêtements soient abîmés, ce qui n'est pas une évidence quand même. Et ça, c'est quand même plus récent, c'est plutôt les années 60-70, 1960-1970, le moment où une forme de, ce qu'on appelle couramment la société de consommation, mais ça ne veut pas dire grand-chose, mais pendant les Trente Glorieuses, où en gros on a quand même un développement du vêtement neuf industriel à très grande échelle, et peut-être encore plus depuis les années 80 avec l'arrivée des vêtements 80-90, les vêtements importés de, enfin made in China, etc. L'idée qu'on va chercher des vêtements qui ont des marques, des signes extérieurs d'ancienneté. Un peu comme on se passionne pour les meubles patinés, quoi. Et là, effectivement, c'est assez curieux de voir, ici c'est le cas, mais voilà, des bleus de travail abîmés et qui sont vendus très cher pour des bleus de travail. Enfin, pas dans cette fripe en particulier, mais dans toutes les fripes. Et si vous allez dans le centre de Paris, les fripes très très branchées qui proposent des sélections de vêtements, etc. Parmi les pantalons les plus chers que j'ai vus récemment, ce sont des bleus de travail, sans doute des années 1920. Déchiré, recousu, avec encore des taches de graisse. Enfin, vous voyez, une authenticité indiscutable. Et là, il y a une espèce de double, vous voyez, de double fantasme, on va dire. C'est à la fois un monde perdu, le monde ouvrier parisien. Enfin, perdu, en grande partie, en tout cas. Et puis, l'idée que ce sont des vêtements qui ont vécu et qu'on achète une histoire. Et je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait d'acheter une histoire, des histoires, de pouvoir se raconter des choses. Les traces, c'est autant d'accidents, d'usages, de pratiques, de gestes. Vous voyez, il y a aussi toute la mythologie des gestes artisanaux, des gestes... Bon, quelque chose d'un peu réconfortant de ce côté-là. Et puis, la recherche d'objets singuliers, parce qu'un objet qui est déchiré, recousu, vous êtes sûr qu'il n'y en a pas deux pareils. Même si, vous l'avez noté ces derniers temps, l'industrie fait ça maintenant très très bien, c'est-à-dire de déchirer et de recoudre les jeans est devenue une pratique industrielle à très très grande échelle. Donc là, je plie ma cravate en deux sur toute la longueur. Je me fais une piqûre longitudinale. Pascal, c'était à quel âge votre première cravate ? Première cravate à 16 ans. Et ça fait... J'en ai maintenant 55, donc faites le calcul. On fait 200 cravates par jour, sachant que chaque cravate mesure 1m50. Alors 1m50... multiplié par donc 250, pour environ 375 mètres par jour, multiplié par 5, multiplié on va dire par 45, 135 000 mètres à peu près par an, de mètres de cravate. Tout ça, c'est voué à la sécurité, mais maintenant, il y a aussi des particuliers qui nous demandent de temps en temps. On a les sociétés de pompes funèbres aussi, parce que ça évite l'accident. Donc, sécurité avec un clip et la cravate élastique. Donc, voilà. En plus, tout le monde a le nœud bien fait. Il n'y a pas de... Et donc, alors moi, ça pull, mais quand on a une cravate, donc le clip s'ouvre. Une chemise, le clip s'ouvre et il n'y a pas d'étranglement, pas de risque d'étranglement. C'est un nouveau marché, ça, non ? Pas du tout. Nous, on le commercialise maintenant depuis... Alors, l'entreprise-là, elle a été créée en 93, donc je pense qu'on le commercialise depuis plus de 20 ans. C'est un système américain, breveté en Amérique depuis les années 1950. Certaines entreprises, comme les sociétés de surveillance, elles ont besoin d'avoir 3 points de reconnaissance sur leur tenue. La veste, la cravate, et je crois qu'il y a le brassard ou je ne sais plus quoi, ils ont besoin de 3 points de reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'ils ont aussi des cravates personnalisées. C'est quand même très... Enfin, comment dire... C'est assez troublant que ces agents de sécurité qui se sont multipliés ces dernières années pour des questions qu'on connaît, deviennent des sortes de domestiques du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on les habille... Sans vraiment leur demander leur avis. On a envie qu'ils soient dans une espèce d'uniforme rassurant, identifiable. Enfin, ils ont tous des vestes noires, une chemise blanche, une cravate. Bon, bah, c'est toujours qui décide de cette liberté et qui subit cette liberté. Les agents de sécurité à l'université sont en costard-cravate et ce seront sans doute les derniers à l'université. Je vous ai dit, la cravate clip et sécurité, c'est vraiment... pour les sociétés de surveillance, hein, tous les gens qui sont en uniforme pour la surveillance. Mais il y a aussi la cravate clip, on l'a fait aussi pour les compagnies de transport, aussi bien routiers, enfin transport urbain, que aussi les pilotes. On travaille beaucoup avec les écoles hôtelières et les lycées professionnels. Et de plus en plus, ils nous prennent aussi cette cravate-là parce que les jeunes ne savent plus faire le nœud. Donc comme ça, ils sont sûrs que tout le monde est bien habillé correctement et qu'ils ont un beau nœud de cravate. Et une cravate, pas une fois là, une fois là. Donc c'est de la cravate uniforme, ça ? Dite uniforme, oui. Uniforme, personnalisée, image de marque, comme vous voulez. Mais en même temps, on perd un savoir-faire. Il y a un geste de savoir nouer sa cravate. Oui, surtout qu'il existe plus de 300 façons de faire un nœud de cravate, je crois. Donc en fait, il existe 199 façons de nouer sa cravate. Voilà. Il fallait le savoir. Le fait de faire des cravates qui se clipsent, alors que longtemps, ça a été la manière dont on faisait son nœud de cravate qui avait du sens dans la société. Au 19e siècle, vous avez des manuels de plusieurs pages avec des dizaines de manières de nouer sa cravate qui ont des sens politiques, des sens sociaux. Si on se noue une cravate à la Byron, ça évoque quelque chose, même politiquement. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un pur signe vide, ce qui est cohérent avec le fait que ces agents de sécurité, on veut voir un uniforme, on ne veut pas voir des personnes. Voilà, c'est des fonctionnalités pures. La cravate est devenue effectivement l'emblème de tout un tas de travailleurs, plutôt de milieux, enfin, qui gagnent pas très bien leur vie. On demande à nos, je dis les choses crûment, pardonnez-moi, mais à nos domestiques quotidiens, tout un tas d'agents, de vendeurs, etc., d'agents immobiliers, de porter l'uniforme qu'on porte plus, ça c'est sûr. Sommes-nous libres de nos habits, uniformes et vêtements de travail ? Avec Ginette Fransquin, sociologue, Hortense Négro, médecin psychiatre, Jean-Jacques Ivorel, historien, Pascal et Annie Buisson, cravatiers, et Manuel Charpie, historien, spécialiste de la fripe. On va poser la griffe du client dessus et puis la mettre sous cellophane. Et la cravate est prête à partir. Extrait des films Hippocrate de Thomas Lilti, Les 400 coups de François Truffaut, La petite voleuse de Claude Miller et Mélodie en sous-sol d'Henri Verneuil. Merci à la boutique Bragard, spécialiste en vêtements de travail, boulevard Voltaire à Paris, à la friperie Le Coffre de Ménilmontant, et au centre exposition Enfants en justice de Savigny-sur-Orge. Prise de son, Hélène Langlois, Yann Frécy, Thomas Robin et Benjamin Chauvin. Mixage, Olivier Dupré. Un documentaire d'Emmanuel Paul, réalisé par Christine Robert. LSD, la série documentaire à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien replay et podcast avant d'endosser l'uniforme, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, dernier épisode, le New Look aux origines de l'histoire Dior. Tout de suite, on retrouve Nicolas Martin pour son été en Antarctique.